mon vieux copain, la vie est belle. Quand on connaît la liberté, n'attendons plus, partons vers elle. L'air pur est bon pour la santé. Bonjour, bonjour. Bienvenue dans Comment ça va ? Le podcast qui prend de tes nouvelles, qui brise un peu la solitude, essaye de te déconfiner et de t'emmener voir et écouter ailleurs. Chez le voisin, la voisine et chez ceux que tu ne connais pas. Après un détour auprès du corps enseignant, à l'occasion duquel Sophie, professeure de musique en collège, nous racontait comment travailler le plus normalement possible à distance avec 450 élèves à gérer, juste, si on prenait la direction du pôle santé. Bruno, 59 ans, médecin généraliste, a lui aussi quelques mots pour nous. Bonjour à tous, voilà, je suis chez moi, à la campagne, confinée, comme tout le monde aujourd'hui, dans la situation que nous vivons. Voilà, je voudrais, suite à la demande que l'on m'a faite de m'exprimer sur la situation actuelle de confinement en lien avec la pandémie virale, en commençant, c'est un coup de gueule citoyen que j'adresse. Je repense aux attentats terroristes que notre pays a connus ces dernières années. Et je me dis, mais pourquoi avons-nous attendu ces catastrophes, ces attentats, ces victimes de terrorisme chez nous pour aller embrasser nos policiers, nos pompiers ? Et dans la même ordre d'idée, pourquoi avoir attendu cette épidémie qui débute dans notre pays, dans notre beau pays, pour applaudir tous ces personnels soignants, médecins, infirmiers et autres personnes au service des malades? Pourquoi alors tant de catastrophes et de drames humains avant pour avoir de la reconnaissance pour ces personnes? Toutes ces personnes dont le professionnalisme, le courage et le dévouement sont alloués. Ils assurent sans relâche une chaîne, cette chaîne continuelle, ininterrompue, de jour comme de nuit, pour assurer un service à la personne qui souffre. Je pensais fortement que nous avons le devoir d'être émerveillés devant la noblesse d'âme de ces êtres humains, hommes et femmes, toujours dévoué, sans se plaindre, sans manifester de plainte. Il est vrai qu'être, pour les soignants, être confronté à la maladie, à la mort, dans sa pratique professionnelle quotidienne, est très exigeant. Je le reconnais. Cela exige une paix intérieure, à mon avis, qui permet de maîtriser, de dépasser parfois ses propres peurs et ses propres angoisses. En parlant de ce que je viens de dire, c'est directement à moi-même que cela renvoie à mon vécu personnel, puisque j'exerce la médecine depuis maintenant une trentaine d'années. Une trentaine d'années d'expérience qui aujourd'hui se trouve confrontée à cette situation de crise sanitaire que nous subissons tous. Et cette période actuelle aussi me ramène quelques années en arrière à la période où ce que j'appelle cette vocation de soignant qui est la mienne, a pris naissance. Vocation de soignant, pour moi, cela évoque mon désir précoce d'être là pour sauver des vies, pour être au plus près des personnes démunies, faibles, vulnérables, et de leur apporter une aide humaine et plus encore. Il est vrai que à la période où cette vocation a pris naissance, la lecture d'un livre, d'un roman, en l'occurrence La Peste d'Albert Camus, a été pour moi déterminante dans mon choix de vie personnelle, et de vie professionnelle. Il est vrai aussi qu'aujourd'hui, ce livre, ce roman est d'autant plus d'actualité et encore plus vivant en moi, compte tenu que chaque jour, je suis confronté à cette crise sanitaire inédite et à être amené à recevoir des malades victimes de cette épidémie. De quoi est fait le quotidien aujourd'hui ? Mon quotidien. Il repose d'abord sur l'écoute. Écouter l'autre est le moteur, la part essentielle du travail. Expliquer. Les explications sont nécessaires maintenant, dans la période actuelle, mais aussi on travaille dans un travail quotidien. Rassurer la personne. Et tout ceci, c'est le travail de soignant. Soigner l'autre, être au plus près et lui apporter une aide. Voilà mon quotidien qui est, je dirais, plus largement notre quotidien de l'ensemble des soignants, du corps médical, des infirmières, des infirmiers, qui travaillent en libéral, pour nos confrères praticiens hospitaliers, les personnels soignants hospitaliers qui sont confrontés de plein pied aux malades graves et qui sont en difficulté. Sur un autre aspect plus relationnel, plus d'écoutant, nous recevons tous les jours des paroles d'inquiétude, d'angoisse venue d'hommes et de femmes ou de personnes plus jeunes, voire des paroles parfois même de désespoir de la part d'êtres qui sont atteints ou pas par cette maladie. Bon, il est vrai que vous parler de mon quotidien en détail, ce serait trop fastidieux. C'est vrai que j'ai une situation un peu particulière qui me revient à l'esprit en vous parlant et qui est un peu à l'écart, qui dénote, on peut dire, du climat, l'inquiétude ambiante autour de notre situation actuelle. C'est celle d'une grand-mère chez qui je l'ai trouvée pleine de compassion, qui a amené son petit-fils en consultation vers moi. Et effectivement, en y pensant, je revois son visage, j'en entends ses mots, son regard, et tout ce qu'elle dégageait, ses mots, son regard, se dégageait une confiance. Je l'ai perçu, je l'ai ressenti comme une confiance, comme de la confiance. Et j'ai même perçu ce que j'appellerais une note d'espoir à travers l'esquisse d'un sourire. Oui, un sourire. Et ce sourire, aujourd'hui, éclaire mon quotidien. Et même plus, il soutient mon engagement qui reste présent et très présent. Voilà, avant de terminer, j'ai cette réflexion. Pour moi, c'est dire que je suis qu'un maillon de cette chaîne, de cette belle chaîne sanitaire, humaine, humaniste. Mais plus que cela, c'est l'ensemble du corps médical. Et cet ensemble doit être soutenu dans la période difficile, période grave que nous traversons. Ces hommes et ces femmes, je pense, doivent être soutenus parce qu'ils doivent rester mobilisés. Mobilisés plus que jamais pour sauver des vies. Je pense qu'au sortir de cette pandémie, de cette période, dont le bilan montrera effectivement un bilan qui sera lourd, qui sera très lourd, chez nous ici, en France, et dans le monde entier, je pense, et je l'espère, viendra une période plus prospère et que, ensemble, sur cette terre, nous pourrons vivrons un nouveau printemps pour l'humanité. Et comme tout se termine en chanson, je vous propose quelques notes. Quand les hommes vivront d'amour,